Section 38. Des essais sur les révolutions, suivis des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Cinquième discours, première partie. Étude cinquième ou cinquième discours sur la chute de l'Empire romain, la naissance et les progrès du christianisme et l'invasion des barbares. Première partie, mœurs des chrétiens. Âge héroïque. Arrêtons-nous pour contempler les vastes ruines que nous venons de traverser. Ce n'est rien que de connaître les dates de leur éboulement, rien que d'avoir appris les noms des hommes employés à cette destruction. Il faut entrer plus profondément, plus intimement, dans les mœurs, dans la vie des trois peuples chrétiens, païens et barbares, qui se confondirent pour donner naissance à la société moderne. Elle va paraître, cette société, puisque l'Empire d'Occident est détruit. Voyons ce que fut le monde ancien dans les quatre siècles qui précédèrent sa mort et ce qu'il était devenu lorsqu'il expira. Commençons par les chrétiens. Le christianisme naquit à Jérusalem, dans une tombe que j'ai visitée au pied de la montagne de Sion. Son histoire se lie à celle de la religion des Hébreux. Pendant la durée du premier temple, tout fut renfermé dans la lettre de la loi de Moïse. Quand le roi, le peuple ou quelque partie du peuple se livraient à l'idolâtrie, le glaive les châtiait. Sous le second temple, la pureté de la loi s'altéra par le mélange des dogmes exotiques. La synagogue se forma. La conquête d'Alexandre introduisit à son tour la philosophie grecque dans le système hébraïque. Des écoles juives se constituèrent. Ces écoles, répandues dans la Médie, l'Élymaïde, l'Asie mineure, l'Égypte, la Cyrénaïque, l'île de Crète et jusque dans Rome, subirent l'influence des religions, des lois, des mœurs et de la langue même de ces divers pays, les livres des Maccabées se scandalisent de ces nouveautés. En ce temps-là, il sortit d'Israël des enfants d'iniquité qui donnèrent ce conseil à plusieurs « Allons et faisons alliance avec les nations qui nous environnent ». Et ils bâtirent à Jérusalem un collège à la manière des nations. Les prêtres même ne faisaient aucun état de ce qui était en honneur dans leur pays et ne croyaient rien de plus grand que d'exceller en tout ce qui était en estime parmi les Grecs. Il se forma bientôt quatre sectes principales, celle des pharisiens, celle des sadducéens, celle des samaritains, celle des esséniens. Les pharisiens altéraient le dogme et la loi en reconnaissant une sorte de destin puissant qui n'ôtait point la liberté à l'homme. Ils se divisaient en cet ordre. Livrés à des imaginations bizarres, ils jeûnaient et se flagellaient. Ils prenaient soin en marchant de ne pas toucher les pieds de Dieu, qui ne s'élèvent que de 48 pouces au-dessus de terre. Ils mettaient surtout un grand zèle à propager leur doctrine. Ce qui distingue les sectes juives des sectes grecques, c'est précisément cet esprit de propagation. La sagesse hellénique se réduisait en général à la théorie. La sagesse juive avait pour fin la pratique. L'une formait des écoles, l'autre des sociétés. Moïse avait imprimé une vertu législative au génie des Hébreux, et le christianisme, juif d'origine, retint et posséda au plus haut degré cette vertu. Les sadducéens s'attachaient à la lettre écrite. Ils rejetaient la tradition et conséquemment la science kabbalistique. Ne trouvant rien sur l'âme dans les livres de Moïse, ils étaient matérialistes et préféraient Épicure à Zénon. Les samaritains n'adoptaient que le Pentateuque, et remontaient à la religion patriarcale. Les Esséniens de la Judée, qui produisirent les thérapeutes de l'Égypte, secte plus contemplative encore, repoussaient la tradition comme les sadducéens et croyaient à l'immortalité de l'âme comme les pharisiens. Ils fuyaient les villes, vivaient dans les campagnes, renonçaient au commerce et s'occupaient du labourage. Ils n'avaient point d'esclaves et n'amassaient point de richesses. Ils mangeaient ensemble, portaient des habits blancs, qui n'appartenait en propre à personne et que chacun prenait à son tour. Les uns demeuraient dans une maison commune, les autres dans des maisons particulières, mais ouvertes à tous. Ils s'abstenaient du mariage et élevaient les enfants qu'on leur confiait. Ils respectaient les vieillards, ne mentaient point, ne juraient jamais, ils promettaient le silence sur les mystères. Ces mystères n'étaient autres que la morale écrite dans la loi. Les premiers fidèles prirent des Esséniens cette simplicité de vie, tandis que les thérapeutes donnèrent naissance à la vie monastique chrétienne. Mais d'une autre part, l'essénianisme était la seule secte juive qui n'attendit point le Messie et qui condamna le sacrifice, en quoi les chrétiens ne la suivirent pas. Une opinion commune reposait au fond de la société israélite. Le sauveur de la race de David, de tout temps promis, était espéré de siècle en siècle, d'année en année, de jour en jour, d'heure en heure, homme et Dieu, roi conquérant pour les Sadducéens, les Caraïtes ou Scripturaires, sage ou docteur pour les Samaritains. Il y avait encore chez ce peuple un fait qui n'appartenait qu'à ce peuple. Je veux dire la grande école poétique des prophètes. Commençant auprès du berceau du monde, elle erra 40 ans avec l'arche dans le désert, école que n'interrompirent point la captivité d'Égypte et celle de Babylone, la conquête d'Alexandre, l'oppression des rois de Syrie, la domination romaine, la monarchie des Hérodes, qui implantèrent de force et improvisèrent en Judée une éducation étrangère. Cette école de l'avenir, évoquant le passé et dédaignant le présent, ne manqua de mettre ni dans la prospérité, ni dans le malheur, ni sur les rivages du Nil, ni sur les bords du Jourdain, ni sur les fleuves de Babylone, ni sur les ruines de Tyr et de Jérusalem. Et quel maître ! Moïse, Josué, David, Salomon, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et le Christ, en qui s'accomplirent toutes les prophéties et qui fut lui-même le dernier prophète. Lorsqu'il eut paru, les Juifs le méconnurent, ils le regardèrent comme un séducteur. Les deux commentaires de la Mishnah, le Talmud babylonien et le Talmud de Jérusalem, donnent de singulières notions du Christ. Un certain jour, lorsque plusieurs docteurs étaient assis à la porte de la ville, deux jeunes garçons passèrent devant eux. L'un couvrit sa tête, l'autre passa la tête découverte. Éliezer, voyant l'effronterie de celui-ci, le soupçonna d'être un enfant illégitime. Il alla trouver la mère qui vendait des herbes au marché. Il apprit que non seulement l'enfant était illégitime, mais qu'il était né d'une femme impure. Marie est appelée plusieurs fois dans le Talmud une coiffeuse de femme. Des Juifs composèrent deux histoires du Christ sous le titre de Sefer Toldos Jeshu, livre des générations de Jésus. Joseph Pandera de Bethléem se prend d'amour pour une jeune coiffeuse nommée Mirjan, Marie, fiancée à Jochanan. Pandera abuse de Mirjan, elle accouche d'un fils appelé Jehoshua, Jésus. Jehoshua, élevé par Elkanan, devint habile dans les lettres. Les sénateurs que Jehoshua ne voulut pas saluer à la porte de la ville firent publier au son de 300 trompettes que sa naissance était impure. Il s'enfuit en Galilée, revient à Jérusalem, se glisse dans le peuple, apprend et dérobe le nom de Dieu, l'écrit sur une peau, s'ouvre la cuisse sans douleur et cache son larcin dans cette incision. Avec l'ineffable nom Shem HaMephoras, il accomplit une foule de prodiges. Jehoshua, condamné à mort par le Sanhédrin, est couronné d'épines, fouetté et lapidé. On le voulait pendre à du bois, mais tous les bois se rompirent parce qu'il les avait enchantés. Les sages allèrent chercher un grand chou et l'on y attacha Jehoshua. Telle est une des misérables histoires que les Juifs opposaient à la majesté du récit évangélique. La première église juive se composa des 3000 convertis. Ces convertis écoutaient les instructions des apôtres, priaient ensemble et faisaient dans les maisons particulières la fraction du pain. Ils mettaient leurs biens en commun et vendaient leurs héritages pour en distribuer le prix à leurs frères. Leur vie, comme je l'ai dit plus haut, était à peu près celle des Esséniens. Cette simplicité se conserva longtemps. Domitien, ayant appris que certains chrétiens juifs se prétendaient issus de la race royale de David, les fit venir à Rome. Questionnés sur leurs richesses, ils répondirent qu'ils possédaient 39 plâtres de terre, environ 7 arpents et demi, qu'ils payaient l'impôt et vivaient de leurs champs. Ils montrèrent leurs mains endurcies par le travail. L'empereur leur demanda ce que c'était que le royaume du Christ. Ils répliquèrent qu'ils n'étaient pas de ce monde, en les renvoyant. Ces deux laboureurs étaient deux évêques, ils vivaient encore sous Trajan. En faisant l'histoire de l'Église, on a confondu les temps. Il est essentiel de distinguer deux âges dans le premier christianisme, l'âge héroïque ou des martyrs, l'âge intellectuel ou l'âge philosophique. L'un commence à Jésus-Christ et finit à Constantin, l'autre s'étend de cet empereur à la fondation des royaumes barbares. C'est de l'âge héroïque que je vais d'abord parler. Je vous le vais montrer tel qu'il s'est peint lui-même et tel que l'ont représenté les païens. Chez nous, dit un apologiste, vous trouverez des ignorants, des ouvriers, de vieilles femmes qui ne pourraient peut-être pas montrer par des raisonnements la vérité de notre doctrine. Ils ne font pas de discours, mais ils font de bonnes œuvres. Aimant notre prochain comme nous-mêmes, nous avons appris à ne point frapper ceux qui nous frappent, à ne point faire de procès à ceux qui nous dépouillent. Si l'on nous donne un soufflet, nous tendons l'autre joue, si l'on nous demande notre tunique, nous offrons encore notre manteau. Selon la différence des années, nous regardons les uns comme nos enfants, les autres comme nos frères et nos sœurs. Nous honorons les personnes plus âgées comme nos pères et nos mères. L'espérance d'une autre vie nous fait mépriser la vie présente et jusqu'au plaisir de l'esprit. Chacun de nous, lorsqu'il prend une femme, ne se propose que d'avoir des enfants et imite le laboureur qui attend la moisson en patience. Nous avons renoncé à vos spectacles ensanglantés, croyant qu'il n'y a guère de différence entre regarder le meurtre et le commettre. Nous tenons pour homicide les femmes qui se font avorter, et nous pensons que c'est tuer un enfant que de l'exposer. Nous sommes égaux en tout, obéissant à la raison sans la prétendre gouverner. Remarquez que ce n'est pas là une école, une secte, mais une société, fondée sur la morale universelle inconnue des anciens. Les repas se mesuraient sur la nécessité, non sur la sensualité. Les frères vivaient plutôt de poisson que de viande, d'aliments crus, de préférence aux aliments cuits. Ils ne faisaient qu'un seul repas, au coucher du soleil, et s'ils mangeaient quelquefois le matin, c'était un peu de pain sec. Le vin, défendu aux jeunes gens, était permis aux autres personnes, mais en petite quantité. La règle prohibait les riches ameublements, la vaisselle, les couronnes, les parfums, les instruments de musique. Pendant le repas, on chantait des cantiques pieux. Le rire bruyant, interdit, laissait régner une gravité modeste. Après le repas du soir, on louait Dieu du jour accordé, puis on se retirait pour dormir sur un lit dur, on abrégeait le sommeil afin d'allonger la vie. Les fidèles priaient plusieurs fois la nuit et se levaient avant l'aube. Leurs habits blancs, sans mélange de couleurs, ne devaient point traîner à terre et se composaient d'une étoffe commune. C'était une maxime reçue que l'homme doit valoir mieux que ce qui le couvre. Les femmes portaient des chaussures par bienséance, les hommes allaient pieds nus, excepté à la guerre, l'or et les pierreries n'entraient jamais dans leur parure, déguiser sa tête sous une fausse chevelure, se farder, se teindre les cheveux ou la barbe, semblait chose indigne d'un chrétien. L'usage du bain n'était permis que pour santé et propreté. Cependant, quelques ornements étaient laissés aux femmes comme un moyen de plaire à leurs maris, point d'esclaves ou le moins possible, point de nuque, de nains, de monstres, aucune de ces bêtes que les femmes romaines nourrissaient aux dépens des pauvres. Pour entretenir la vigueur du corps dans la jeunesse, les hommes s'exerçaient à la lutte, à la paume, à la promenade, et se livraient surtout au travail manuel. Le ménage et le service domestique occupaient les femmes, les dés et les autres jeux de hasard, les spectacles du cirque, du théâtre et de l'amphithéâtre étaient défendus comme une source de corruption. On allait à l'église d'un pas mesuré, en silence, avec une charité sincère. Le baiser de paix était le signe de reconnaissance entre les chrétiens. Ils évitaient pourtant de se saluer dans les rues, de peur de se découvrir aux infidèles. Toutes ces règles étaient visiblement faites en opposition avec la société romaine et établies comme une censure de cette société. La virginité passait pour l'état le plus parfait et le mariage pour être dans l'intention du Créateur. Les vieillards disaient à ce sujet « Il n'y a point dans les maladies et dans le long âge de soins pareils à ceux que l'on reçoit de sa femme et de ses enfants. Attachez-vous à l'âme, ne regardez le corps que comme une statue dont la beauté fait songer à l'ouvrier et ramène à la beauté véritable. » On reconnaissait que la femme est susceptible de la même éducation que l'homme et que l'on pouvait philosopher sans lettres le grec, le barbare, l'esclave, le vieillard, la femme et l'enfant. C'était l'espèce humaine rendue à sa nature. Le chrétien honorait Dieu en tout lieu parce que Dieu est partout. La vie du chrétien est une fête perpétuelle. Il loue Dieu en labourant, en naviguant dans les divers états de la société. Néanmoins, il y avait des heures plus particulièrement consacrées à la prière, comme tierce, sexte et nonne. On priait debout, le visage tourné vers l'Orient, la tête et les mains levées au ciel. En répondant à l'oraison finale, on levait aussi symboliquement un pied comme un voyageur prêt à quitter la terre. Dieu, pour les disciples du Sauveur, était sans figure et sans nom quand il l'appelait un, bon, esprit, père, créateur. C'était par indigence de la langue humaine. L'âme seule qui est chrétienne d'extraction trouve intuitivement le vrai nom de Dieu lorsqu'elle est laissée à son libre témoignage. Toutes les fois qu'elle se réveille, elle s'exprime de cette façon dans son fort intérieur. Ce qui plaira à Dieu, Dieu me voit, je le recommande à Dieu, Dieu me le rendra. Et l'homme, dont l'âme parle ainsi, ne regarde pas le Capitole, mais le ciel. Le pasteur avait la simplicité du troupeau, l'évêque, le diacre et le prêtre, dont les noms signifiaient président, serviteur et vieillard, ne se distinguaient point par leurs habits du reste de la foule. Médiateurs à l'autel, arbitres au foyer, il leur était recommandé d'être tendres, compatissants, pas trop crédules au mal, pas trop sévères, parce que nous sommes tous pécheurs. S'ils étaient mariés, ils devaient n'avoir eu qu'une femme. Ils devaient être en réputation de bonnes mœurs, de pères de famille exemplaires, et jouir d'une renommée sans tache, même parmi les païens. Sous les épreuves, disait saint Ignace, qu'ils demeurent fermes, comme l'enclume frappée. Ce même saint dans les fers écrivait à l'église de Rome « Je ne serai vrai disciple de Jésus-Christ que quand le monde ne verra plus mon corps. Priez, afin que je me change en victime. Je ne vous donne pas des ordres comme Pierre et Paul. C'étaient des apôtres, je ne suis rien. Ils étaient libres, je suis esclave. » Les évêques étaient choisis dans toutes les conditions de la vie. On voit des évêques laboureurs, bergers, charbonniers. Les diocèses, sorte de république fédérative, élisaient leurs présidents selon leurs besoins. Éloquents et instruits pour les grandes cités, simples et rustiques pour les campagnes, guerriers même, quand il le fallait, pour défendre la communauté. Aussi fuyait-on ces honneurs à grande charge. C'était dans les cavernes au fond des bois, sur les montagnes, que le peuple chrétien allait chercher et enlever ses princes de la foi. Ils se cachaient, ils se déclaraient indignes, ils répandaient des larmes. Quelques-uns même mouraient de frayeur. Gérès, petite ville d'Égypte, à 50 stades de Péluse, avait élu pour évêque un solitaire nommé Nilammon. Il demeurait dans une cellule dont il avait muré la porte et s'obstinait à refuser l'épiscopat. Théophile, évêque d'Alexandrie, s'efforça de le persuader. « Demain, mon père, dit l'ermite, vous ferez ce qu'il vous plaira. » Théophile revint le lendemain et dit à Nilammon d'ouvrir. « Prions auparavant, répondit le solitaire du fond de son rocher. La journée se passe en oraison. Le soir, on appelle Nilammon à haute voix. Il garde le silence. On enlève les pierres qui bouchaient l'entrée de l'ermitage. Le solitaire gisait, mort, au pied d'un crucifix. Les premières églises étaient des lieux cachés, des forêts, des catacombes, des cimetières, et les autels, une pierre ou le tombeau d'un martyr. Pour ornement, on avait des fleurs, des vases de bois, quelques cierges, quelques lampes, à l'aide desquelles le prêtre lisait l'évangile dans l'obscurité des souterrains. On avait encore des boîtes à secrets pour y cacher le pain du voyageur que l'on portait aux fidèles dans les mines, dans les cachots, au milieu des lions de l'amphithéâtre. Tels étaient les chrétiens de l'âge héroïque. Les païens les considéraient autrement. Selon eux, ces sectaires grossiers, ignorants, fanatiques, populaces demi-nues, prenaient plaisir à s'entourer de jeunes niais et de vieilles folles pour leur conter des puérilités. Ils prétendaient que les Galiléens ne voulaient ni donner ni discuter les raisons de leur culte, ayant coutume de dire « Ne vous enquérez pas, la sagesse de cette vie est un mal et la folie un bien. » Votre partage, écrivait Julien, apostrophant les disciples de l'Évangile, est la grossièreté. Toute votre sagesse consiste à répéter stupidement « je crois ». La religion du Christ était appelée par les latins « insania, amentia, dementia, stultitia, furiosa opinio, furoris, incipientia ». Les fidèles eux-mêmes étaient surnommés des demi-morts à cause de leur long jeûne et de leur veille. Lucien, ou plutôt un auteur inconnu antérieur à Lucien, a peint dans le dialogue satirique Philopatrice une assemblée de ses premiers chrétiens. Critias, j'étais allé dans une des rues de la ville. J'aperçus une troupe de gens qui chuchotaient et qui, pour mieux entendre, collaient leur oreille sur la bouche de celui qui parlait, je regardai ces hommes afin d'y découvrir quelqu'un de connaissance. J'aperçus le politique Craton, avec qui je suis lié depuis l'enfance. Tryphon. Je ne sais qui tu veux dire. Est-ce celui qui est préposé à la répartition des tribus? Qu'arrivera-t-il? Critias. Je m'approchai de lui après avoir fendu la presse, et l'ayant salué, j'entrouis un petit vieillard tout cassé nommé Charicène, qui commença à dire d'une voix grêle et en parlant du nez, après avoir bien toussé et craché, « Celui dont je viens de parler payera le reste des tribus, acquittera toutes les dettes, tant publiques que particulières, et recevra tout le monde sans s'informer de la profession. » Charicène ajouta plusieurs autres futilités, également applaudies par ceux qui étaient présents et que la nouveauté des choses rendait attentifs. Un autre frère, nommé Clévocarme, sans chapeau ni souliers et couvert d'un manteau en loques, marmottait entre ses dents, un homme mal vêtu venant des montagnes et qui avait la tête rase me le montra. Alors un des assistants à l'œil farouche me tira par le manteau, croyant que j'étais des siens, et me persuada à la malheur de me trouver au rendez-vous de ces magiciens. Nous avions déjà passé le seuil d'airain et les portes de fer, comme dit le poète, lorsque, après avoir grimpé au haut d'un logis par un escalier tortu, nous nous trouvâmes non dans la salle de Ménélas, toute brillante d'or et d'ivoire. Aussi n'y vîmes-nous pas Hélène, mais dans un méchant galetas j'aperçus des gens pâles, défaits, courbés contre terre. Ils n'eurent pas plutôt jeté les regards sur moi qu'ils m'abordèrent joyeux, me demandant si je n'apportais pas quelque mauvaise nouvelle. Ils paraissaient désirer des événements fâcheux, et, semblables aux furies, ils se gaudissaient des malheurs. Après s'être parlé à l'oreille, ils me demandèrent qui j'étais, quelle est ma patrie, quels mes parents. Ces hommes qui marchent dans les airs m'interrogèrent ensuite sur la ville et sur le monde. Je leur dis, le peuple entier est dans la jubilation et il sera de même à l'avenir. Eux, fronçant le sourcil, me répondirent qu'ils n'en iraient pas ainsi et qu'ils se couvaient un mal que l'on verrait bientôt éclore. Là-dessus, comme s'ils eussent eu cause gagnée, ils commencèrent à débiter les choses où ils se plaisent, que les affaires allaient changer de face, que Rome serait troublée par des divisions, que nos armées seraient défaites. Ne pouvant plus me contenir et tout enflammé de colère, je m'écriai, « Ô misérable, que les maux par vous annoncés retombent sur vos têtes, puisque vous aimez si peu votre patrie. » Tryphon. Que répliquèrent ces hommes à tête rase et qui ont l'esprit de même? Critias. Ils passèrent cela doucement et eurent recours à leurs échappatoires ordinaires. Ils prétendirent qu'ils voyaient ces choses en songe, après avoir jeûné 10 soleils et dépensé les nuits à chanter leurs hymnes. Alors, avec un faux sourire, ils se penchèrent hors des lits chétifs sur lesquels ils se reposaient. Cette assemblée, peinte par un ennemi, diffère étrangement du concile de Nicée. Les chrétiens étaient si méprisés à l'époque où fut écrite cette satire qu'on les mettait au-dessous des juifs. C'étaient pourtant ces hommes cachés dans un galetas, ces gueux que l'on traînait au supplice, aussitôt qu'ils étaient reconnus, ces coupables, non de crime, mais de naissance, ces créatures dégradées, à qui l'on ne reconnaissait pas même le droit des plus vilaines, c'étaient ces esclaves mis hors la loi, qui devaient rendre au genre humain ses lois et ses libertés. L'embarras des chrétiens devant leur père païen offre une ressemblance singulière avec ce qui se passe de nos jours entre les anciennes générations et les générations nouvelles. Les premières ne comprennent point et ne comprendront pas ce qui est clair et accompli pour les secondes. Le christianisme, véritable liberté sous tous les rapports, paraissait aux vieux idolâtres, nourris au despotisme politique et religieux, une nouveauté détestable. Ce progrès de l'espèce humaine était dénoncé comme une subversion de tous les principes sociaux. Dans les maisons particulières, on voit, dit Cels, des hommes grossiers et ignorants, des ouvriers en laine qui se taisent devant les vieillards et les pères de famille. Mais rencontrent-ils à l'écart quelques enfants, quelques femmes? Ils les endoctrinent. Ils leur disent qu'il ne faut écouter ni leur père ni leur pédagogue, que ceux-ci sont des radoteurs incapables de connaître et de goûter la vérité. Ils excitent ainsi les enfants à secouer le joug. Ils les engagent à se rendre au gynécée ou dans la boutique d'un foulon ou dans celle d'un cordonnier pour apprendre ce qui est parfait. Les vertus, conséquences nécessaires du premier christianisme, faisaient haïr ceux qui les pratiquaient parce qu'elles étaient un reproche aux vices opposés. Un mari chassait sa femme, devenue sage, depuis qu'elle était devenue chrétienne, Un père désavouait un fils, autrefois prodigue et volontaire, transformé par le changement de religion en enfant soumis et ordonné. Les accusations portées contre les chrétiens étaient l'histoire même de leur innocence. « J'en prends à témoin vos registres, disait Tertullien, vous qui jugez les criminels. » Y en a-t-il un seul qui soit chrétien ? L'innocence est pour nous une nécessité, l'ayant apprise de Dieu qui est un maître accompli. On nous reproche d'être inutiles à la vie, et pourtant nous allons à vos marchés, à vos foires, à vos bains, à vos boutiques, à vos hôtelleries. Nous faisons le commerce, nous portons les armes, nous labourons. Il est vrai que les trafiquants des femmes perdues, que les assassins, les empoisonneurs, les magiciens, les aruspices, les devins, les astrologues n'ont rien à gagner avec nous. On accusait les chrétiens d'être une faction, et ils répondaient « La faction des chrétiens est d'être réunis dans la même religion, dans la même morale, la même espérance. Nous formons une conjuration pour prier Dieu en commun et lire les divines écritures. Si quelqu'un de nous a péché, il est privé de la communion, des prières et de nos assemblées, jusqu'à ce qu'il ait fait pénitence. Ces assemblées sont présidées par des vieillards dont la sagesse a mérité cet honneur. Chacun apporte quelque argent tous les mois s'il le veut ou le peut. Ce trésor sert à nourrir et à enterrer les pauvres, à soutenir les orphelins, les naufragés, les exilés, les condamnés aux mines ou à la prison pour la cause de Dieu. Nous nous donnons le nom de frères, nous sommes prêts à mourir les uns pour les autres. Tout est en commun entre nous, hors les femmes. Notre souper commun s'explique par son nom d'agape qui signifie « charité ». La congrégation apostolique embrassait alors le monde civilisé comme une immense société secrète qui s'avançait vers son but en dépit des proscriptions et de la folle inimitié de la terre. Dès l'âge héroïque du christianisme, on entrevoit les changements radicaux que cette religion allait apporter dans les lois. C'était la philosophie mise en pratique. En attendant l'abolition de l'esclavage par des transformations graduelles, l'émancipation du sexe féminin commençait. Les femmes parurent seules au pied de la croix. Jésus-Christ, pendant sa vie, pardonna leur faiblesse et ne dédaigna pas leur hommage. Il les affranchit dans la personne de Marie, sa divine mère. Des femmes suivaient les apôtres pour les servir, comme Madeleine et les autres Marie avaient suivi le Christ. Saint Paul salue à Rome les femmes de la maison de Narcisse. Les femmes eurent une relation immédiate avec l'Église en vertu de l'institution des diaconesses. La diaconesse devait être chaste, sobre et fidèle. Les veuves choisies pour cette fonction ne pouvaient compter moins de 60 ans. Elles devaient avoir nourri leurs enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des voyageurs, consolé les affligés. Les instructions des apôtres et des premiers pères montrent de quelle importance étaient les femmes à la naissance même de la société chrétienne. Tertullien écrivit 2 livres sur leurs ornements et l'usage de leur beauté. Rejetez le fard, les faux cheveux, les autres parures. Vous n'allez point au temple, au spectacle, aux fêtes des gentils. Vos raisons pour sortir sont sérieuses. Visitez les frères malades, assistez au saint sacrifice, écoutez la parole de Dieu. Secouez les délices pour ne pas être accablés des persécutions. Des mains accoutumées aux bracelets supporteraient mal le poids des chaînes. Des pieds ornés de bandelettes s'accommoderaient peu des entraves. Une tête chargée de perles et d'émeraudes ne laisserait pas de place à l'épée. Les vierges ne devaient paraître à l'église que voilées jusqu'à la ceinture. Une pension leur était accordée ainsi qu'aux veuves. Dans le traité Ad Uxorem, on voit paraître la femme toute différente de la femme de l'Antiquité et telle qu'elle est aujourd'hui. C'est en même temps un tableau véritable de ce qui se passait alors dans la communauté générale et dans la famille privée des chrétiens. Tertullien invite sa femme à ne pas se remarier s'il venait à mourir, surtout à ne pas épouser un infidèle. Le christianisme, conforme à la nature et à l'ordre, condamnait la polygamie des nations orientales et le divorce admis par les Grecs et les Romains. La femme chrétienne, dit Tertullien, rendra à son mari païen les devoirs de païenne. Elle aura pour lui beauté, parure, propreté mondaine, caresses honteuses. Il n'en est pas ainsi chez les saints. Tout s'y passe avec retenue sous les yeux de Dieu. Comment pourra-t-elle, l'épouse chrétienne, servir le ciel ayant à ses côtés un esclave du démon chargé de la retenir? S'il faut aller à l'église, il lui donnera rendez-vous au bain plutôt qu'à l'ordinaire. S'il faut jeûner, il commandera un festin pour le même jour. S'il faut sortir, jamais les serviteurs n'auront été plus occupés. Ce mari souffrira-t-il que sa femme visite de rue en rue les frères dans les réduits les plus pauvres ? Souffrira-t-il qu'elle se lève d'auprès de lui, afin d'assister aux assemblées de nuit ? Souffrira-t-il qu'elle découche à la solennité de Pâques ? La laissera-t-il se rendre à la table du Seigneur, si décriée parmi les païens ? Trouvera-t-il bon qu'elle se glisse dans les prisons pour baiser la chaîne des martyrs, pour laver les pieds des saints, pour offrir avec empressement au confesseur la nourriture ? S'il vient un frère étranger, comment sera-t-il logé ? Dans une maison étrangère ? S'il faut donner quelque chose, le grenier et la cave, tout sera fermé. Quand le mari païen consentirait à tout, c'est un mal d'être obligé de lui faire confidence des pratiques de la vie chrétienne. Vous cacherez-vous de lui en faisant le signe de la croix sur votre lit, sur votre corps, en soufflant pour chasser quelque chose d'immonde ? Ne croira-t-il pas que c'est une opération magique ? Ne saura-t-il point ce que vous prenez en secret avant toute nourriture ? Et s'il sait que c'est du pain, ne supposera-t-il pas qu'il est tel qu'on le dit ? Que chantera dans un festin la femme chrétienne avec son mari païen ? Elle entendra des hymnes de théâtre. Il n'y aura ni mention de Dieu, ni invocation de Jésus-Christ, ni lecture des Écritures, ni salutation divine. L'Église dresse le contrat du mariage chrétien. L'oblation le confirme. La bénédiction en devient le sceau. Les anges le rapportent au Père Céleste, qui le ratifie. Deux fidèles portent le même joug. Ils ne sont qu'une chair, qu'un esprit. Ils prient ensemble, ils jeûnent ensemble. Ils sont ensemble à l'Église et à la table de Dieu, dans la persécution et dans la paix. Les femmes chrétiennes devinrent des missionnaires à leur foyer, des intelligences du ciel au sein des familles païennes. Vous venez de voir qu'elles étaient chargées de soigner les malades et les pauvres. C'était surtout dans les temps de persécution qu'elles prodiguaient les trésors du zèle. Elles se glissaient dans les prisons, portaient les messages, distribuaient l'argent, pansaient les plaies des torturés et mouraient elles-mêmes avec un héroïsme au-dessus de tout ce qu'on raconte des femmes de Sparte et de Rome. Dans leur vertu et jusque dans leur faiblesse était un charme pour adoucir les persécuteurs. La nourrice de Caracalla et la maîtresse de Commode étaient chrétiennes. Plus tard, dans l'âge philosophique du christianisme, les femmes, mères, épouses et filles d'empereurs, étendirent la puissance évangélique, tandis que d'autres femmes, emmenées en esclavage par les barbares, convertissaient des nations entières. Ainsi voulais-je dire à propos des Ibériens. Vous avez également appris comment les Hélènes et les Eudoxies renversèrent des temples et élevèrent des églises. Plus tard encore, les vierges unies à Dieu dans les monastères se signalèrent par tous les gens de sacrifices et de dévouement. Saint Jérôme nous a fait connaître Marcel, Azel, sa sœur, et leur mère, Albine. Principia, fille de Marcel, Paul, ami de Marcel, Pauline, Eustochie, Léa, Fabiole, qui vendit son patrimoine pour fonder le premier hôpital que Rome ait opposé aux monuments de sang et de prostitution. Dans cette maison de miséricorde, les descendantes des consuls servaient les pauvres et les étrangers avant de venir mourir pauvres et étrangères dans la grotte de Bethléem. Accomplissement des choses, les femmes qui adorèrent les premières au fond des catacombes remplissent les dernières ces églises où elles amenèrent les pères, où elles ne peuvent retenir les fils. Elles pleurèrent au pied du calvaire qui vit expirer la grande victime. Elles pleurent encore au pied de ce calvaire, mais celui qu'elles mirent au tombeau est remonté au ciel. Il n'y a plus rien sur la croix, rien au Saint-Sépulcre. L'émancipation de la femme n'est pas encore totalement achevée, surtout en ce qui regarde l'oppression des lois. Elle le sera dans la rénovation chrétienne qui commence. L'ère des martyrs offre un spectacle extraordinaire. Chez un même peuple, des hommes et des femmes couraient au jeu public dans l'éclat du luxe et de l'enivrement des plaisirs. Et d'autres hommes et d'autres femmes, consacrés à tous les devoirs, faisaient en répandant leur sang partie essentielle de ces jeux. L'âge héroïque du paganisme eut ses Hercules guerriers. L'âge héroïque du christianisme enfanta ses Hercules pacifiques qui domptèrent une autre espèce de monstre, les vices, les passions, les erreurs. Héros dont la victoire était non de tuer, mais de mourir. De tous les grands fondateurs de religion, Jésus est le seul qui n'ait point été puissant par la naissance, les armes, la politique, la poésie ou la philosophie. Il n'avait ni sceptre, ni épée, ni plume, ni lyre. Il fut pauvre, ignoré, calomnié, et le premier martyr de son culte. Ses apôtres souffrirent après lui. Leur supplice forma la chaîne qui unit la passion aux passions particulières renouvelées pendant 4 siècles. L'hostie spirituelle était venue remplacer l'hostie matérielle. Mais l'effusion du sang chrétien, qui était le sang même du Christ, ne se dut arrêter que quand l'holocauste païen disparut. Cela explique, d'après les fondements de la foi, la longueur des persécutions. Il y eut des victimes chrétiennes à l'amphithéâtre tant qu'il y eut des victimes païennes dans les temples. L'immolation des premières continua en proportion de celle des secondes. Constantin et ses fils abolirent le sacrifice et le martyre cessa. Julien rétablit le sacrifice et le martyre recommença. Rendus habiles par le malheur, les chrétiens avaient perfectionné l'art de secourir. Point de ruse que la charité n'inventa pour pénétrer dans les cachots, pour corrompre les geôliers, c'est-à-dire pour les faire chrétiens et les conduire avec leurs prisonniers à la mort. L'histoire du philosophe Pérégrin, qui se brûla à son de trompe et à jour marqué, nous a transmis une preuve inattendue de l'activité évangélique. Pérégrin, en voyageant, s'était donné comme néophyte. Arrêté en Palestine, les chrétiens se hâtèrent de l'environner. Dès le matin, des femmes, des veuves, des enfants assiégeaient la prison. La nuit, quelques prêtres s'introduisaient à prix d'argent auprès du philosophe. De toutes les cités de l'Asie affluaient des frères qui, par ordre de la communauté, venaient encourager le prisonnier. « C'est une chose inouïe, dit Lucien, que l'empressement de ces hommes. Quand quelques-uns d'entre eux sont tombés dans le malheur, ils n'épargnent rien. Ces misérables se figurent qu'ils vivront après leur vie. Ils méprisent la mort, et plusieurs s'abandonnent volontairement au supplice. » 10 batailles générales, les 10 grandes persécutions furent livrées, sans compter une multitude d'actions particulières. Les femmes brillèrent dans ces combats. Saint Forien était conduit au martyr à Autun, dans les Gaules. Sa mère lui criait du haut des murailles de la ville « mon fils Saint Forien, élève ton cœur en haut. On ne te ravit pas la vie, on te la change pour une vie meilleure. » Blandine, esclave, fut la dernière couronnée parmi les confesseurs de Lyon. Elle subit les fouets, les bêtes, la chaise de fer embrasée. Elle allait à la mort comme au lit nuptial, comme au festin des noces. Il y avait en Égypte une autre esclave d'une rare beauté, nommée Potamienne. Son maître, devenu amoureux d'elle, voulut d'abord la séduire et ensuite la ravir de force. Repoussé par la vertueuse fille, il la livra au préfet Aquila comme chrétienne. Le préfet invita Potamienne à céder au désir de son maître. Sur son refus, il la condamna à être plongée dans une chaudière de poix bouillante et la menaça de la faire violer par les gladiateurs. Potamienne dit « Par la vie de l'empereur, je vous supplie de ne pas me dépouiller et de ne pas m'exposer nue, que l'on me descende peu à peu dans la chaudière avec mes habits. » Cette grâce lui fut accordée et Marcel, sa mère, subit le supplice du feu. La dérision qui se mêlait à la cruauté débauchée n'ôtait rien à la gravité du malheur. Les 7 vierges d'Ancyre, abandonnées à l'insolence de quelques jeunes hommes avant d'être noyées, ont effacé par un seul mot ce qui se pouvait attacher d'étrange à l'infortune de leur vieillesse. La plus âgée ôta son voile et, montrant sa tête chenue au jeune homme, « Tu as peut-être une mère blanchie comme moi, laisse-nous nos larmes et prends pour toi l'espérance. » Félicité, matrone romaine d'un rang illustre, fut jugée à mort avec ses 7 fils qu'elle encouragea à confesser hardiment. Saint Phorose de Tibure avait également 7 fils. Adrien l'appela devant lui et l'exhorta à sacrifier. Elle répondit « Gétulius, mon mari et son frère Amantius étaient vos tribuns, et ils ont préféré la mort à vos idoles. » Saint Phorose, pendu par les cheveux, fut précipité dans ces cascades qui avaient baigné les courtisanes et rafraîchi le vin d'Horace. Les 7 fils suivirent leur mère. Un des 40 martyrs de Sébaste avait résisté à la double épreuve de la glace et du feu. Les bourreaux, l'oubliant à dessein et le laissant sur la place, espéraient qu'il abjurerait. Sa mère le mit de ses propres mains dans le tombereau. « Va, dit-elle, mon fils, achève ton heureux voyage avec tes compagnons, afin que tu ne te présentes pas à Dieu le dernier. » Il n'est rien de plus célèbre dans les actes sincères que le martyre de Perpétue et de Félicité à Carthage. Perpétue, femme noble, était âgée de 22 ans. Son père et sa mère vivaient. Elle avait deux frères, elle était mariée et nourrissait un enfant. Félicité était esclave et enceinte. Le père de Perpétue, païen zélé, engageait sa fille à sacrifier. Après avoir été quelques jours sans voir mon père, c'est Perpétue qui écrit elle-même la relation du commencement de son martyre, j'en rendis grâces au Seigneur et son absence me soulagea. Ce fut dans ce peu de jours que nous fûmes baptisés. Je ne demandais, au sortir de l'eau, que la patience dans les peines corporelles. Peu de jours après, on nous mit en prison. J'en fus effrayé, car je n'avais jamais vu de telles ténèbres. La rude journée, un grand chaud à cause de la foule, les soldats nous poussaient. Enfin, je mourais d'inquiétude pour mon enfant. Alors, les bienheureux diacres, Tertius et Pomponne, qui nous assistaient, obtinrent pour de l'argent que nous puissions sortir et passer quelques heures en un lieu plus commode dans la prison. Nous sortîmes, chacun pensait à soi. Je donnais à téter à mon enfant, je le recommandais à ma mère, je fortifiais mon frère, je séchais de douleur de voir celle que je leur causais. Je passais plusieurs jours dans ces angoisses. Le bruit se répandit que nous devions être interrogés. Mon père vint de la ville à la prison accablé de tristesse. Il me disait « Ma fille, prends pitié de mes cheveux blancs et pitié de moi. Si je suis digne que tu m'appelles ton père, si je t'ai moi-même élevé jusqu'à cet âge, si je t'ai préféré à tes frères, ne me rends pas l'opprobre des hommes. Regarde ta mère, regarde ton fils, qui ne pourra vivre après toi. Quitte cette fierté, de peur de nous perdre tous, car aucun de nous n'osera plus parler s'il t'arrive quelque malheur. » Mon père s'exprimait ainsi par tendresse, me baisant les mains, se jetant à mes pieds, pleurant, ne me nommant plus sa fille, mais sa dame. Je le plaignais, voyant que de toute ma famille, il serait le seul à ne pas se réjouir de notre martyre. Je lui dis pour le consoler, « Sur l'échafaud, il arrivera ce qu'il plaira à Dieu, car sachez que nous ne sommes point en notre puissance, mais en la sienne. » Il se retira, contristé. Le lendemain, comme nous dînions, on vint nous chercher pour être interrogés. Le bruit s'en répandit aussitôt dans les quartiers voisins. Il s'amassa un peuple infini, nous montâmes au tribunal. Le procureur hilarien me dit « Épargne la vieillesse de ton père, épargne l'enfance de ton fils, sacrifie pour la prospérité des empereurs. » « Je n'en ferai rien, répondis-je. « Es-tu chrétienne ? » me dit-il, et je répliquai « Je suis chrétienne. » Comme mon père s'efforçait de me tirer du tribunal, hilarien commanda qu'on l'enchassât. Il reçut un coup de baguette. Je le sentis comme si j'eusse été frappé moi-même, tant je souffris de voir mon père maltraité dans sa vieillesse. Alors hilarien prononça notre sentence et nous condamna tous à être exposés aux bêtes. Nous retournâmes joyeuses à la prison. Comme mon enfant avait été accoutumé de me téter et de demeurer avec moi, j'envoyai aussitôt le diacre Pomponne pour le demander à mon père, mais il ne le voulut pas donner, et Dieu permit que l'enfant ne demandât plus la mamelle et que mon lait ne m'incommodât plus. La relation de Perpétue finit à la troisième des visions qu'elle eut dans son cachot. Félicité était grosse de 8 mois, et voyant le jour du spectacle si proche, elle était fort affligée, craignant que son martyre ne fût différé parce qu'il n'était pas permis d'exécuter les femmes grosses avant leur terme. Les compagnons de son sacrifice étaient sensiblement tristes de leur côté de la laisser seule dans le chemin de leur commune espérance. Ils se joignirent donc tous ensemble à prier et à gémir pour elle 3 jours avant le spectacle. Aussitôt après leur prière, les douleurs la prirent, et comme l'accouchement est naturellement plus difficile dans le 8e mois, son travail fut rude et elle se plaignait. Un des guichetiers lui dit « Tu te plains, que feras-tu quand tu seras exposée aux bêtes ?» Elle accoucha d'une fille qu'une femme chrétienne éleva comme son enfant. Les frères et les autres eurent la permission d'entrer dans la prison et de se rafraîchir avec eux. Le concierge de la prison était déjà converti. Le jour de devant le combat, on leur donna, suivant la coutume, le dernier repas que l'on appelait le souper libre, et qui se faisait en public. Mais les martyrs le convertirent en une agape. Ils parlaient au peuple avec leur fermeté ordinaire. « Remarquez bien nos visages, disait-il, afin de nous reconnaître au jour du jugement. » Celui du combat étant venu, les martyrs sortirent de la prison pour l'amphithéâtre comme pour le ciel, gais, plutôt émus de joie que de crainte. Perpétue suivait d'un visage serein et d'un pas tranquille, comme une personne chérie de Jésus-Christ, baissant les yeux pour en dérober aux spectateurs la vivacité. Félicité était ravie de se bien porter de sa couche pour combattre les bêtes. Étant arrivés à la porte, on les voulut obliger, suivant la coutume, à prendre les ornements de ceux qui paraissaient à ce spectacle. C'était pour les hommes un manteau rouge, habit des prêtres de Saturne, pour les femmes une bandelette autour de la tête, symbole des prêtresses de Cérès. Les martyrs refusèrent ces livrées de l'idolâtrie. Perpétue et Félicité furent dépouillées et mises dans des filets pour être exposées à une vache furieuse. Le peuple en eut horreur, voyant l'une si délicate et l'autre qui venait d'accoucher, on les retira et on les couvrit d'habits flottants. Perpétue fut secouée la première et tomba sur le dos. Elle se mit en son séant et voyant son habit déchiré par le côté, elle le retira pour se couvrir la cuisse, plus attentive à la pudeur qu'à la souffrance. Elle renoua ses cheveux épars pour ne pas paraître en deuil et voyant Félicité toute froissée, elle lui donna la main afin de l'aider à se relever. Elles allèrent ainsi vers la porte Sana Vivaria, où Perpétue fut reçue par un catéchumène nommé Rustique. Alors elle s'éveilla comme d'un profond sommeil et commença à regarder autour d'elle en disant « Je ne sais quand on nous exposera à cette vache ». On lui dit ce qui s'était passé. Elle ne le crut que lorsqu'elle vit sur son corps et sur son habit des marques de ce qu'elle avait souffert. Elle fit appeler son frère et s'adressant à lui et à Rustique, elle leur dit « Demeurez fermes dans la foi, aimez-vous les uns les autres et ne soyez point scandalisés de nos souffrances ». Le peuple demanda qu'on les ramenât au milieu de l'amphithéâtre. Les martyrs y allèrent d'eux-mêmes après s'être donné le baiser de paix. Félicité tomba en partage à un gladiateur maladroit qui la piqua entre les os et la fit crier. Car ces exécutions des bestiaires demi-morts étaient l'apprentissage des nouveaux gladiateurs. Perpétue conduisit elle-même à sa gorge la main errante du confecteur. Dans cette même Carthage, qui rappelait tant d'autres souvenirs, Cyprien remporta la palme due à son éloquence et à sa foi. Ce premier Fénelon eut la tête tranchée. Il se banda lui-même les yeux. Julien, prêtre, et Julien, diacre, lui lièrent les mains. Ses néophytes étendirent des linges pour recevoir son sang. Longtemps avant lui, Polycarpe, qui gouvernait l'église de Smyrne depuis 70 ans et qui avait été placé par l'apôtre Jean, fit, d'après l'ordre du consul, son entrée sur un âne dans sa ville épiscopale, comme le Christ dans Jérusalem. Le peuple criait « C'est le docteur de l'Asie, le père des chrétiens, le destructeur de nos dieux. Qu'on lâche un lion contre Polycarpe. » Cela ne se put parce que les combats des bêtes étaient achevés. Alors le peuple cria tout d'une voix « Que Polycarpe soit brûlé vif !» Le bûcher préparé, Polycarpe ôta sa ceinture et se dépouilla de ses habits. On le voulait clouer au bûcher, comme son maître à la croix. Il déclara que cette précaution était inutile et qu'il demeurerait ferme. Il fut donc simplement attaché. Il ressemblait à un bélier choisi dans le troupeau, comme un holocauste agréable et accepté de Dieu. Le vieillard regarda le ciel et dit « Dieu de toutes les créatures, je te rends grâce. Je prends part au calice de la passion de ton Christ pour ressusciter à la vie éternelle. Je te bénis, je te glorifie par le pontife Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui gloire soit rendue à toi et à l'Esprit-Saint dans les siècles à venir. Amen. » Quand il eut dit, le feu fut mis au bûcher. Les flammes se déployèrent autour de la tête du martyr comme une voile de vaisseau enflée par le vent. Ses actes portent qu'il ressemblait à de l'or ou à de l'argent éprouvé au creuset, et qu'il exhalait une odeur d'encens ou d'un parfum vital. Le confecteur, chargé d'achever les bêtes blessées, versa Polycarpe. Il sortit tant de sang des veines du vieillard qu'il éteignit le feu. Potin, évêque de Lyon, âgé de plus de 90 ans, faible et infirme, fut battu, foulé aux pieds, traîné dans l'arène et rejeté dans la prison où il rendit l'esprit. Ses compagnons de souffrance semblaient, au milieu des supplices, se guérir d'une plaie par une plaie nouvelle. les exécuteurs, en les tourmentant, avaient moins l'air de bourreaux qui font des blessures que de médecins qui les pansent, tant ces confesseurs étaient joyeux. Plusieurs d'entre eux, du fond des cachots où on les replongea avant de leur donner le coup de la mort, écrivirent en grec le récit de leur martyr. La lettre portait cette suscription : les serviteurs de Jésus-Christ qui demeurent à Vienne et à Lyon, en Gaule, aux frères d'Asie et de Phrygie, qui ont la même foi et la même espérance dans la rédemption. Paix, grâce et gloire de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je ne vous parlerai point du martyr de séduction, employé après l'inutilité des menaces et des douleurs, dignité, honneur, fortune, volupté, même essayée par de belles femmes, furent sans succès comme les lions et le feu. Il y a de la puissance dans le sang. Ces générations de l'âge héroïque chrétien, qui subjuguèrent les classes industrielles, enfantèrent les générations de l'âge philosophique chrétien, qui conquirent à leur tour les hommes de l'intelligence. Cet âge philosophique n'est pas séparé brusquement de l'âge héroïque. Il prend naissance dans celui-ci. Ses premiers génies enseignent et meurent sur l'échafaud, mais leur doctrine règne et triomphe dans leurs successeurs quand l'heure des confesseurs est passée. Le christianisme philosophique ne détruisit pas non plus le christianisme héroïque. Mais les sacrifices s'accomplirent d'une autre façon dans les combats contre les hérésiarques ou sous le fer des barbares. Fin de la section 38.